les menottes et les insignes, mais t'es pas le king. Regarde bâtard, pas one, je veux être fait au biz. Tout ça manque de réalisme, préviens ton équipe. Man accélère, ouais, j'ai tant de choses à dire. Quartier s'attire, trafic shit et beuh. 40 comme un calage, tout ça pour les E. Histoire de bonhomme, parle pas, sors les guns. Gueule, dans l'illégal, on a fait sa miule. Tu sais que illégal ou légal, monnaie faut la paye. Marche ou crève, la rue n'offre pas à tout chance. Tu sais que illégal ou légal, monnaie faut la paye. Vitre hors corps, au fait la France c'est une chaîne. Tous les jours on s'abîme, ferme ta gueule et trim. Qu'est-ce qu'ils veulent, une putain d'ambiance électrique. J'aimerais que le million me fasse la bise. Dans mes rêves, j'ai pas le choix, bâtard, je bise. Les sous, c'est la base, l'argent, c'est le langage. De tous les quartiers, y'a des mecs en cage. Dans le rap sans permis, mais j'accélère. Si on pose karma, jamais on décélère. Le sommet, c'est dur de l'atteindre. Puis le bâtard avec la perche, tu peux l'attendre. Sonner, voler, voir la billet violet. Le bénéf, bénéf, comme un con, tu le fumes. Viens toucher dans ton bif, on manque de love. Monnaie, drogue, c'est vital, c'est comme de l'eau. 14 juillet, guérilla, sous le pont. J'vais cartoucher le rap, j'suis le pompe. Fuck l'info politique, guerre, attentat. J'me verrai bien poser vers Atlanta. Fuck les stupes qu'ils hibernent à plein temps. Autant été, hiver et printemps. Ça fait des temps pleins pour baiser des putains de tapins. Et quand ça flambe tous on se fait taper au casin. Il manque une casin. Toi-même tu sais ma paix préfère ni cousin. D'été où qu'on fallait à manger à la casa. Des terres comme un sarrasin. Sans froid comme un kamikaze. La maladie de l'argent ça tue à terre. Car oh mon dieu je suis dans le faux. Ce qui veut dire je suis dans le feu. Mais comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Quartier nord. Pour s'enterrer faut faire la queue. Sanglant et le décor pour un rien. Tu peux rejoindre les cieux du métal. Entre les abdos et la queue. 400 kilos dans la malle. Sport back OG 3 litres 2 c'est la mélodie du haram. En direct de la misère, on te cale sinon te crame. Pas les couilles des larmes de ta mère, l'amour c'est punch comme sa dame. Yeah, ouais. Sous les rayons de la lune, j'évite le soleil. Quand y'a pas la thune, y'a pas le sommeil. Le shit éteint le genou qui est en moins sommeil. Qualifia que la rue au sommaire. Faut que les commères qui font pleurer nos mères. Spécial aux eux, je fais tourner le commerce. Je rallume le paquis dans le Mistral. Je vois Suzuki sur Becky Central. Je rappe hardcore les shit et les accords. 100 000 en apport, villa sur le vieux port. A la Ronca, c'est au La Primo. Vida Loca demande à Simo. La chétane, je demande le pardon. Je dédicace le long et Mortadon. Mon ami, celui qui me prend de l'argent au monde. Dans l'or qu'on respire et cherche d'illusions, bien souvent je manque d'air. Je m'entraîne à rester formé peu à peu, je m'enterre. Enfermé sur moi-même, mon cœur un barillet. Je m'en raye, raye, règne à mettre loin des traîtres. Entre frères, on s'entraide sans trêve. Contre les hommes de loi, derrière les barreaux, ça t'aime de loin. Les frères comme Mourtadon, ouais, ils valent de l'or, cagoule sur la tête. Ça vend dehors, espérant changer tes corps. Mais la pensée sur tes côtes, ta femme te quitte et court. Le ghetto t'écoute tes couilles si tu tiens le coup. J'ai peur de changer, quand je vois que nos vies volent. Point de songer, sans gêne. Je te donne mon sang, c'est dans les gènes. On soutient du les califs et pas que dans les gènes. Ici l'homme est faible, trahi pour une femme ou un pète ou un pote. La vie est dure, mais faut pas que je cède. Je m'en fous de ton aide. Je suis seul sur ma route, j'ai mis mes soucis de côté, la poche je la coude. Je vois mon avenir me noter, j'en ai plus rien à foutre. Tout ce que tu vas penser, je m'enfonce côte à côte. Alors je me soume et mets à danser. Je suis perdu quand je dois parler, ça met la boule au ventre. Je rêve trop de me tailler avec ceux que je fréquente. Je suis trop dans ma bulle, laissez-moi chicaler. Impossible de dormir au sol quand tu passes au palais. Je suis pas comme toi, tu l'as bien vu, je suis trop la fierté de ma ville. Des potes fument d'autres alcoolistes pendant que je parle de ma vie. Des airs devant le mic, ça s'appelle Nike Oasis. Toujours présent à la paix, sous shit feuille Oasis. Je rends du moins défoncé, on buvait. Tranche la voisine, y'a trop de commères, le rap comme l'on.